Chapitre 3e. Le gouverneur de Parme entretenait une certaine quantité d'espions pour sonder les dispositions des esprits. Ces hommes, mêlés à la foule, admis même dans les meilleures familles, recueillaient avec une fidélité scrupuleuse les moindres paroles portant atteinte aux actes de sa seigneurie, épiaient les individus réputés suspects, s'immisçaient dans les cercles, cherchaient enfin par tous les moyens imaginables à inventer les complots ayant pour but l'affranchissement du peuple, le renversement de la domination autrichienne. Un soir, que retiré dans sa chambre, le duc de Neido, poursuivi par la ravissante image d'Ursule, obsédé par la conscience de sa situation périlleuse, par ses remords peut-être, allait chercher dans le sommeil l'oubli de ses tourments, de ses fatigues. Un de ses émissaires pénétra jusqu'à lui et lui présenta un papier. Le gouverneur en parcourut précipitamment le contenu, son front se rembrunit et il frappa du pied avec violence. Puis tout à coup, comme si une révolution subite eût changé le cours de ses idées, ses traits s'éclaircirent et exprimèrent la plus vive satisfaction. Aussitôt il donna l'ordre de seller son cheval et quitta le palais, suivi seulement de quelques officiers de sa garde. La petite troupe parcourut sans coup férir plusieurs rues. Au bout de peu de temps, elle se trouva sur la place principale. Alors le duc commanda de faire halte et de l'attendre. Il descendit de cheval et alla frapper à la porte de l'hôtel de Toscane. « Que demandez-vous, signor ?» demandait Arnolfo, qui vint ouvrir. « Le marquis de Lignières. Il est sorti. Sa fille, alors. Mademoiselle ne reçoit jamais en l'absence de mon signor. Il faut que je la voie. Impossible. Je le veux. Arrière !» Le geste d'impatience qui accompagna cette impérieuse injonction fit que le valet considéra davantage à la clarté de son flambeau le personnage qui parlait ainsi. Il reconnut avec effroi le visage redouté du gouverneur. Il perdit l'usage de la parole. Le duc le poussa pour entrer. Il traversa plusieurs appartements et arriva devant une pièce d'où s'échappaient par les interstices de la porte quelques pâles rayons de la lumière qui l'éclairait. En cet instant, l'âme de cet homme irascible fut saisie d'une incroyable émotion. Pendant une demi-minute, il hésita, la main sur le bouton de cristal, puis, comme honte de sa faiblesse, il le pressa. La porte s'ouvrit. Il était chez Ursule de Lignières. La jeune fille, assise, lisait les évangiles en français. La présence inattendue du duc la remplit de troubles. Elle se leva tremblante et fit quelques pas à sa rencontre. « Vous, monseigneur ? » dit-elle. Debout sur le seuil, il admirait la noble fille. Il ne répondit pas. « Que venez-vous faire chez moi à cette heure ? » reprit-elle avec dignité. Elle posa sa main mal assurée sur le gland d'une sonnette. « Vous voulez me faire chasser ? » dit-il avec un orgueilleux sourire. « Vous êtes gouverneur de Parme, mais nous sommes français, mon père et moi, et ne relevons pas de votre autorité. » Il secoua la tête d'un air qui signifiait « peut-être ». Il eut un silence qu'il rompit. « Remettez-vous, Ursule, » dit-il en la rassurant d'un geste. « Je conçois que ma présence ici a lieu de vous surprendre. Mais privé depuis longtemps du bonheur de vous voir, j'ai cru ne pas manquer aux égards que je vous dois en venant attendre auprès de vous votre père à qui il faut absolument que je parle. Asseyez-vous, monsieur, s'il en est ainsi. » À la crainte qu'avait manifestée Ursule, succédait une certaine inquiétude. « Vous avez, dites-vous, monseigneur, besoin de voir mon père, ce soir même. » Vainement, la jeune fille chercha à connaître les motifs qui pouvaient obliger le gouverneur à venir entretenir M. de Lignières à cette heure avancée. Il fut impénétrable. L'inquiétude d'Ursule redoubla. Après ces tentatives infructueuses, la conversation s'engagea. Elle fut d'abord générale, puis le duc la rendit personnelle en parlant à Mademoiselle de Lignières de sa beauté, de l'impression profonde qu'elle avait produite sur son cœur, de la passion dont il brûlait pour elle. Embarrassée, confuse de prime abord, Ursule se leva en recevant l'aveu du duc. « Assez, assez, monseigneur » dit-elle noblement. « Je ne puis, ni ne dois, en entendre davantage. »« Ursule, tu m'entendras. Oui, oui, je t'aime, et j'ose te le dire, parce que tu es belle, et que tu dois être bonne. Tu me pardonneras de t'aimer, monseigneur. Je puis mettre un trône à tes pieds, te combler de richesses, faire de toi une duchesse, presque une reine. » Elle fit un mouvement pour s'éloigner, mais comme saisie d'une inspiration soudaine, elle revint sur ses pas et elle se prit à dire avec une animation qui augmenta progressivement « Vous me jugez bien mal, monseigneur, de supposer que je pourrais consentir à unir mon sort au vôtre, de croire que j'accepterais cette main que vous me tendez. Elle est sanglante. L'étonnement du gouverneur ne saurait se décrire. Ursule continua. « Qu'avez-vous fait jusqu'à ce jour pour que la femme à qui vous dites « Je te ferai heureuse » vous croie ?»« Je vais vous le rappeler. »« C'est inutile, je m'en souviens. »« Vous avez fait abus de vos pouvoirs en signant des arrêts de mort et de proscription. » »« Vous vous êtes complu à décimer des familles, à tyranniser des sujets confiés à votre autorité, à votre honneur. » »« Ah, monseigneur, pourquoi avoir toujours montré une âme inaccessible à la clémence, à la pitié ? On vous eût chéri. » On vous abhorre. Oh oui, vous êtes grandement coupable, car c'est par vous que la sœur a vu proscrire son frère, que le père a vu périr ses enfants, que l'époux voit chaque jour outrager sa femme ou sa fille. Et si le cœur gonflé de désespoir, de haine, ces infortunés ont murmuré une plainte, un châtiment cruel a étouffé leur gémissement légitime. Vous avez tout fait pour le malheur de ce peuple et rien pour assurer son bien-être. Vous avez été pour lui non un chef loyal, un père clément, mais un fléau redoutable, odieux. Est-ce vrai ? Une telle audace jetait le duc de Neido dans une surprise qui paralysait ses facultés. Il répliqua avec effort et d'une voix sourde : C'est vrai. Eh bien, c'est quand vous avouez ces actions criminelles que vous m'offrez de partager votre destin, d'associer ma vie pure à la vôtre. Qui donc croyez-vous que je suis ? Le gouverneur ajouta : Si j'ai frappé, je puis pardonner. Entre tes mains, Ursule, je serai l'instrument de tes volontés. Ton âme si douce attendrirait la mienne. Que pourrais-je refuser à ta voix divine ? Octave ne devint-il pas Auguste ? L'amour a produit bien des miracles de ce genre. Et si je fus cruel, c'est que personne ne m'aima. C'est que personne ne m'aime. Mon cœur s'est aigri. Mon âme s'est bronzée. Et je suis devenu méchant parce que je souffrais. Ah, si au lieu de courtisans menteurs, j'avais eu des amis vrais. Si au lieu d'une femme qui ne m'aimait pas, la Providence m'avait départi une créature sainte, noble, pure et dévouée, comme tu peux l'être, comme tu l'es. Mes nuits ne seraient pas sans sommeil, mes jours sans repos. Parle, parle, jeune fille, et je vais sur l'heure te donner une preuve de mon sincère repentir. Comment ? En pardonnant à un grand coupable, un coupable qui t'est cher. À moi, mon Dieu, que voulez-vous dire ? Toi, dont l'âme dévouée embrasse la cause d'un peuple qui doit être indifférent, refuseras-tu de sauver un être 100 fois plus précieux à ton cœur, et sur la tête duquel est suspendu le glaive de la justice ? Ah, Seigneur ! D'un mot, tu peux l'empêcher de tomber. Mon Seigneur, assez, c'est indigne ! Une pâleur mortelle couvrait les traits d'Ursule. Elle ne put réprimer un mouvement d'indignation à la proposition insultante du duc. « Un mot et je fais grâce, » poursuivit ce dernier. « À qui ? » demanda-t-elle d'un ton ferme. « À ton père, » proféra le duc, les yeux fixés sur elle. « Mon père, il conspire. »« Ah ! » fit-elle avec angoisse en se voilant le visage de ses mains. « Il est perdu. »« Les ennemis ont voulu vous prévenir contre lui. »« Non, j'ai les preuves de sa trahison entre les mains. »« Vous ? » ?»« Moi. »« De plus, je sais qu'il est d'origine espagnole. » « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» sanglota Ursule. « Et que le nom de Lignière qu'il porte n'est pas le sien. Perdu !» répétait la jeune fille avec désespoir. « N'en accuse que toi. Tu pouvais, tu peux encore le sauver !» Elle se redressa, grande d'indignation et de dignité. « Infamie, infamie, lâcheté !» s'écria-t-elle en foudroyant le duc d'un regard méprisant. « Sortez, vous me faites horreur !» Il ne bougea pas. Ursule ajouta. « Puisque vous savez que mon père porte un nom qui ne lui appartient pas, comment croyez-vous qu'il s'appelle ? Dites-le, je l'ignore. »« Je le sais, moi !» cria une voix puissante derrière le gouverneur. « Il se nomme Pérez d'Aquavilla, premier ministre de Don Philippe, duc de Parme, et la vertueuse Ursule n'est pas sa fille, elle est sa femme. » Au premier mot, le duc de Neido s'était brusquement tourné et avait vu le prétendu marquis de Lignière debout sur le seuil d'une porte secrète, soutenant d'une main la tapisserie qu'il avait dérobée à ses regards. Mais ce n'était plus ce vieillard qu'il connaissait, décrépit, usé par l'âge, brisé, accablé. C'était un beau jeune homme à la chevelure noire, flottante, à la taille hardiment prise, au front intelligent et fier. Il n'avait conservé de son ancien rôle que le costume et le sourire plein d'ironie. Le large cordon soutenant la croix de l'ordre du Saint-Esprit et celle de Calatrava, accordé seulement aux grands d'Espagne de première classe, se déployait sur sa poitrine. Le duc porta instinctivement la main à son épée. « C'est inutile, monseigneur, » dit froidement Pérez. « Vous n'avez rien à craindre. Je ne frappe jamais les vaincus. » Il laissa retomber la tapisserie et s'avança au milieu de l'appartement. Un coup de canon, puis deux, puis trois, se firent entendre. Des clameurs confuses s'y mêlèrent, parmi lesquelles on distinguait ces cris « Vive Don Philippe! Vive Pérez! À bas l'Autriche !»« Qu'est-ce cela ? Une insurrection ?» s'écria le duc de Neido en pâlissant. « Monseigneur, » dit Pérez, « si au lieu de venir ici clandestinement marchander l'honneur de ma femme, vous fussiez resté dans votre palais, vous sauriez ce que je vais vous apprendre. Entendez-vous le canon des remparts ? Entendez-vous le bruit des tambours et des fanfares auxquels s'unissent les acclamations joyeuses de la foule ? Ils annoncent que votre règne est fini et que le salut de l'infant Don Philippe, mon auguste souverain, commence. » Le gouverneur resta comme frappé de la foudre. Pérez, sans s'arrêter à l'étonnement de sa femme, ni à la stupeur du duc, écarta le rideau d'une fenêtre et, montrant la place ardemment illuminée de mille clartés mouvantes, il ajouta d'un air de triomphe et d'enthousiasme « Regardez ces lueurs, voyez ces flambeaux, ce sont les parmesans qui courent à la rencontre de leur duc aimé. Déjà ils ont abattu les monuments de votre iniquité, de votre tyrannie. Le souffle puissant du peuple en a dispersé jusqu'au moindre vestige. Les hommes orgueilleux bâtis sur le sable, monseigneur. » « Trahison !» proféra le duc anéanti. « Non, le sort n'a pas voulu que mes desseins si péniblement conçus, si longuement combinés avec patience, s'accomplissent. Remerciez-en le ciel, car si Parme devait sa liberté à la révolte, si ce que je méditais se fût exécuté, votre vie ne serait pas sacrée pour moi. L'empereur, votre maître, voyant sa cause compromise, perdue, vient de signer à Aix-la-Chapelle un traité qui termine la guerre. Il satisfait l'Espagne, il reconnaît forcément ses droits, en cédant les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla à l'infant Don Philippe, dont je vous transmets ici l'ordre d'évacuer la ville avec les troupes sous votre commandement. D'ailleurs, vous êtes rappelé à Vienne pour rendre compte de votre conduite. » Dans un transport de rage, le gouverneur brisa son épée. « Vous êtes libre, monsieur le duc. » Le gouverneur déchu sortit, et Pérez lui fit donner une escorte pour le protéger contre le ressentiment de la foule qu'aucun frein ne retenait plus. « Maintenant, ma digne et noble femme, » dit Pérez en pressant dans ses bras Ursule encore interdite, « le temps de la feinte est passé. Plus d'alarmes. Les jours d'épreuve et d'infortune ne devaient pas durer éternellement. Relève ton noble front. Tu n'es plus la femme d'un conspirateur, d'un proscrit, mais l'épouse bien-aimée de Pérez d'Aquavilla, premier sujet de l'infant Don Philippe. » Il l'entraîna, ému, doutant encore si elle n'était pas le jouet d'un rêve. Et au milieu d'un concours nombreux de peuples, ils allèrent, montés sur deux chevaux richement harnachés, recevoir le nouveau duc, dont les bannières flottantes apparaissaient déjà au loin dans la campagne inondée de guerriers. Ainsi s'achève Pérez d'Aquavilla par Eugène Mahon de Monaghan.